Most Wanted. Emblématique, record. Yeah, yeah. Qui sont de la zone, bienvenue chez nous. Ok, ok, ok. Bienvenue dans la zone des mal lunés. Créatif et les flammes de l'enfer. Les ghetto youth se reconnaissent, se mettent à l'aise. Le 2-8 se place à la première place. Du Most Wanted, Wanted. Je reconnais que c'est pas les sons du Maghreb United. Se repartit avec un flot de malades. Qui feraient pas certains et puis les autres s'en balancent. Ça leur réveille leur côté bestial qui leur pousse à tout niquer. Bienvenue dans les secteurs de la mixité. Hey, 2-8 en réseau. Pour qu'on puisse sur ma gota que c'est du gros. On montrera les crocs toujours dans les faits divers pour des histoires de deux gros. Emblématique vers représenter son spawn. So, première étape que je vous livre en gofoise. Je suis comme ce brouillard chiant, tu traces mais au plancher, j'en arrache la gomme. La frontière on la baisse, ouais c'est du trafic à l'international. Ça fricote plus alors on fuck la bague, ouais. Du Most Wanted, pour tous les mecs de la zone, de la zone. Si tu balances tu t'as ses têtes, apprends le vide que les stages fils parleront de même. Emblématique pour le 2-2, du Most Wanted. Du Most Wanted, pour tous les mecs de la zone, de la zone. Si tu balances tu t'as ses têtes, apprends le vide que les stages fils parleront de même. Emblématique pour le 2-2, du Most Wanted. T'es pas d'ici, reste tranquille ou ça se finira. Coup de lame dans la carotide. Pense mon tête et la crédibilité. Si ou l'habilité, pèse 100 000 à 1 million d'euros. On aime les gros chiffres avec le maximum de zéro quand. Si on poursuit depuis que le 2 ils sont les baisses, la résine. Bienvenue au cœur du risque des billets verts. La solution, la France la cherche pas, mais on l'a vite trouvé. Les journaux l'ont démontré, les faits divers l'ont prouvé. Pas d'origine pour ce job à titre de 8, ce best of. Le Most Wanted foulé qui roule en V6 Atmos comme du NN. Vu qu'ils veulent avoir ce français, Malbuie sera aux étrangers des forces ou degrés. La biche la prend au second degré. S'ajoute à nous un sacré pédigré à ceux qui restent attitrés. Nos libertés finiront sous le sel de la condamnation à faire le tuer. Le Most Wanted pour tous les mecs de la zone, de la zone. Si tu balances, tu t'es cédé. Apprends le vite que les sages fils parleront de même. Apprends de même. Emblématique pour le 2-2, vite Most Wanted. Le Most Wanted pour tous les mecs de la zone, de la zone. Si tu balances, tu t'es cédé. Apprends le vite que les sages fils parleront de même. Apprends de même. Emblématique pour le 2-2, vite Most Wanted. J'ai mis sa vie à toute allure, sans jamais dire à tout à l'heure. Ça prend la route et se retrouve vite dans des histoires à 200 km à l'heure. Chez nous, sa vie dans la débrouille. Le moyen utile de faire des sous. Si elle reniflard de millions de dollars, c'est la vie de rêve, c'est ce qu'on te laisse penser, connard. Les seules putains brassées, un maximum. Mais que ta marchandise soit archi bonne. C'est faire péter, c'est interdit, on se le souhaite pas. Même donne minimum des choses. C'est la crise, mais pas pour l'économie souterraine. On tient nos rênes, on va pas de rêve. Racheur de pitié, manque au colis de cette méga négresse. Puis au plancher, on parfume nos envies de JP. Comme Tony, on tente de se créer la pure vie de rêve. On va y parvenir, faire frémir le cul de la France. Dans tous les cas, notre chemin, on va le parcourir. On a pris notre envolée. On peut pas atterrir, tu peux poursuivre le 2-8 Most Wanted, mais tu l'arrêteras jamais. Most Wanted pour tous les mecs de la zone, de la zone. Si tu balances, tu testes ses têtes. Apprends le vite que les sages fils parleront de même. Emblématique pour le 2-2-8 Most Wanted. Le 2-8 Most Wanted pour tous les mecs de la zone, de la zone. Si tu balances, tu testes ses têtes. Apprends le vite que les sages fils parleront de même. Emblématique pour le 2-2-8 Most Wanted. Wanted, ouais. Yeah. Emblématique, record.